Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 11 août 2016. Les deux corps découverts dans la Moubarazian ont été retirés par une équipe mixte composée de journalistes d'Iwachu, des agents de la police, de Mouranvia, de l'administration et de la Croix-Rouge. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Léonce Vitalio dès le début de ce journal. Dans ce journal également, vous suivrez ce coup de gueule du président de l'Assemblée nationale qui exprime son mécontentement contre les libérations des personnes en infraction sur simple coup de fil des hautes autorités. Le premier vice-président de la République a reconnu les faits hier à Kigobe. Il présentait les réalisations des ministères de son ressort pour le premier semestre 2016 et Pascal Nyabenda de rappeler que personne n'est au-dessus de la loi. Les infirmiers de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge, syndiqués au sein du SINAPA, ont fait un sit-in ce matin contre la suspension de leurs collègues dans leurs fonctions. Et les travaux de construction du barrage de Manda ont un impact négatif sur la forêt de la Kibira. Le ministre en charge de l'environnement compte rencontrer tous les partenaires concernés par la question pour trouver des solutions. Entre-temps, il y a même des particuliers qui réclament des indemnisations. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les deux corps sans vie qui flottaient sur la rivière Moubarazi ont été repêchés ce jeudi. Selon certaines sources, le journaliste Jean-Louis Guilimane aurait été enlevé dans ses environs et ce travail a été accompli par une équipe composée de journalistes d'Iwachu, la police, l'administration à Mouranvia ainsi que des agents de la Croix-Rouge. Léonce Vitalio était là pour la rédaction Isanganiro. Tous les deux corps sont déjà en décomposition à tel point qu'il n'est pas aisé de pouvoir les identifier. Seulement, les deux sont des hommes. L'un d'eux a été décapité, une seule chaussette se laisse voir sur un pied. Pour le second, il a la tête emballée et sur les jambes, il y avait un sac plein de pierres, ce qui laisse croire qu'il a été jeté à ce même endroit. Sur la rivière Moubarazi, où on a retrouvé les deux corps, c'est à cheval entre deux zones, à savoir Bugarama et Mouranza de la commune et province Mouranza, précisément entre deux collines, Nyabisiga et Gatamera. Du côté de Gatamera, il s'observe un ravin d'une profondeur d'autour de 20 mètres à partir des eaux où on a repêché les deux corps. L'extraction de ces corps n'a pas été chose facile. Il a fallu l'intervention de la police de protection civile qui visiblement a utilisé une technique pas moins spéciale. À part la présence des policiers venus de Bujumbura et ceux sur le lieu à Mouranza, il y avait également la présence des organisations de défense des droits de l'homme, le procureur de la République en province Mouranza, mais aussi des journalistes de différents médias. Au niveau de l'administration, il y avait la conseillère communale chargée des affaires sociales. Depuis Mouranza, Léonce Vitalio pour la radio Isanganiro. Merci Léonce. Tout individu qui a commis une infraction doit être puni conformément à la loi, quelle que soit sa relation avec une autorité de l'État. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit hier, mercredi, à l'hémicycle de Kigobe. Pascal Nyabenda se référait sur les inquiétudes exprimées par certains parlementaires qui parlaient des personnes commettant des délits et qui sont par la suite relâchées sur un coup de fil venu d'en haut. Le premier vice-président de la République reconnaît que ces faits existent. Il demande toutefois que cela ne se reproduise plus. Mireille Kanyang. Différentes infractions sont commises au Burundi, notamment la consommation des drogues. Mais alors, certains des parlementaires font savoir que dans les réunions tenues dans différents coins du pays, l'on évoque des gens arrêtés puis relâchés suite au coup de fil venu d'en haut, comme le témoigne le député Adolphe Banyikwa. Dans l'atelier, les policiers se sont plaints, disant que s'ils arrêtent ces gens qui prennent de la drogue, ils reçoivent des téléphones d'en haut, les intimant à l'ordre de les relâcher. Est-ce vrai que des personnalités donnent ces ordres ou elles sont impliquées dans ce trafic de drogue? Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, reconnaît que cela existe dans différentes institutions et demande que ce genre de coup de fil ne soit plus évoqué. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, précise que si les ministres reconnaissent qu'ils ont prêté serment à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas à avoir peur. Je pense qu'il faudrait dire aux ministres sous votre tutelle que s'ils ont eu le privilège de diriger ces ministères et qu'ils sont venus prêter serment ici devant l'Assemblée nationale, de ne plus avoir peur de ces téléphones d'un haut. Cette personnalité qui dit avoir une connaissance emprisonnée après avoir violé la loi, elle lui amène à manger et non le faire relâcher. On doit voir cette culture que si on a commis une infraction et qu'on est une parenté d'un ministre ou d'un général, sache que tu dois être puni comme les autres. Alors, il faut respecter la loi. L'usage de ce terme de coup de fil venu d'en haut peut multiplier des cas de criminalité, a-t-il laissé entendre. Merci Mireille Kanyangé. Certains conducteurs de vélo de la zone Kamengé en commune Nahangwa se plaignent du comportement des policiers qui les empêchent d'exercer leurs activités quotidiennes. Ces conducteurs expliquent que la police en arrive même à jeter par terre les produits qu'ils transportent. Suivez ce reportage d'Yves Monziman. Ces conducteurs de vélo expliquent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés dans l'accomplissement de leur métier. Celui-ci indique que la police arrête certains d'entre eux. Nous ne connaissons pas la destination de ceux qui sont arrêtés. La police ne justifie pas les raisons de cette arrestation. Elle n'amène pas de mandat d'arrêt. Des fois même, la police parvient à jeter par terre les produits transportés par eux, comme celui-ci l'exprime. Étant au service, un client te demande de lui transporter ses marchandises. Quand il rencontre un policier, il t'arrête et jette par terre tes marchandises. Au lieu de te laisser partir, ils saisissent le vélo et ne te disent pas où ils vont le mettre. Il est difficile de le récupérer. Comme ces conducteurs continuent à le dire, ces policiers ne leur expliquent pas pourquoi on les empêche d'exercer leur métier. Nous travaillons à perte. Nous pourrions gagner 500 francs. Sinon, ici à Kamengé, nous encaissons jusqu'à 300 francs. La police nous arrête, nos vélos sont confisqués. Partant, elle ne donne pas le temps de se justifier et le motif d'arrestation n'est pas connu. Celui-ci explique que le pauvre est vraiment malheureux parce que c'est lui qui supporte toutes les charges. Les gens devant et derrière comme nous sont malheureux. Le pays n'est pas pauvre. Allez voir dans les nouveaux quartiers leur maison. N'est-ce pas que c'est le fruit de nos efforts? Un peu de mon pays a donné et suffisant. Vous saurez que tous ces conducteurs demandent à l'État de leur faciliter la tâche. Merci Yves. À la police, on explique qu'il s'agit de mettre en application la mesure qui empêche le mauvais chargement des vélos. Suivez Pierre Mourikiye, c'est le porte-parole de la police nationale. Même dans les quartiers périphériques de la capitale, il est maintenant interdit de faire un mauvais chargement. C'est-à-dire que ces vélos qui transportent des gros bagages, des gros sacs de charbon, les pièces métalliques, les pièces en bois, les cuvettes pour lait et bien d'autres, les bananes, une très grande quantité, les gros sacs, eh bien, ce transport est interdit. Ce n'est pas une nouveauté, c'est prévu et puni par le code de la circulation routière. Le mauvais chargement est prévu et puni par le code de la circulation routière. Donc il ne s'agit que d'une mise en application de cette loi en cette matière. Les seuls vélos qui transportent ces grosses quantités de marchandises, ce sont les seuls vélos qui sont concernés par cette mesure. La mesure a été prise suite à la constatation qu'un nombre important d'accidents était causé justement par ce mauvais chargement de ces vélos. Ces conducteurs de vélos se lamentent comme quoi même les vélos qui ne sont pas chargés d'une façon mauvaise sont aussi arrêtés. Non, ne sont concernés que des vélos qui font un mauvais chargement. Pierre Mourikiye, porte-parole de la police nationale, au téléphone avec Marie-Ange Nzeyiman. Les infirmiers du syndicat SINAPA de l'hôpital Ouaraled de Kamengé ont fait un sit-in dans la matinée de ce jeudi sur le lieu de travail. La présidente de ce syndicat à cet hôpital, Nyonzima Joyeuse, a indiqué que cette décision a été prise suite à la suspension de leur collègue qui a été sanctionné injustement. Et cette infirmière a été victime de la mauvaise organisation à cet hôpital qui ne permet pas de prendre en charge les malades correctement, a-t-elle expliqué. Les membres de ce syndicat indiquent que d'autres mesures pourront être prises si leur demande n'est pas remplie. Ils demandent en effet que leur collègue soit réintégré sans condition. Le chef du village 3 de la commune Guianga est détenu au cachot de la police judiciaire de cette même commune depuis ce dimanche. Darutekou Repanfil est accusé de complicité dans le commerce de boissons prohibées comme le kanyanga, le vin d'ananas et d'autres. Il a été taxé d'une amende de 500 000 francs burundais et sa famille indique qu'elle est incapable de trouver cette somme. Des amis ont commencé ce mercredi à collecter cet argent dans certains ménages du village 3. Space Caritas Kabanyana, reportage. Panfil Ndarutekure, chef du village 3 de la commune Gihanga dans cette province de Bubanza, a été arrêté ce dimanche après des mises en garde lancées par les autorités provinciales envers tous les administratifs à la base qui ne luttaient pas suffisamment contre le commerce des boissons prohibées, kanyanga, umunanasi et autres. Le gouverneur de la province de Bubanza, Tarsis Niyongabo, ne cesse de le dire au cours des réunions de sécurité que les administratifs seront punis au même échelon que les commerçants de ces boissons prohibées. Le chef du village 3 a été donc arrêté ce dimanche et il est détenu au cachot de police judiciaire jusqu'aujourd'hui. Les sources sur place au village 3 indiquent que sa famille est incapable de payer une amende de 500 000 francs burundais que Panfil devra donner pour être relâché et que ses amis ont commencé depuis ce mercredi à solliciter des contributions dans les ménages du même village. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga, précise que de telles sanctions envers les administratifs à la base accusés de complicité avec les commerçants de boissons prohibées vont continuer jusqu'aux responsables de petites unités collinaires. Et la société Global Port Services Burundi compte porter plainte contre le personnel de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire AMPF pour les propos tenus faisant état d'un probable pillage au port de Bujumbura. Bonaventure Sinzo Bakwira, représentant légal de GPSB, le dit après des allégations du personnel de AMPF pour le détournement de 350 millions de francs burundais chaque mois. Placide Niyomwongere. Selon le personnel de l'autorité maritime et portuaire et ferroviaire AMPF, la société qui exploite actuellement le port de Bujumbura, Global Port Services, est constituée des actionnaires non reconnus légalement. Ici, ce personnel est précisé la société Secomib qui a pris la place de Group of Companies qui avait gagné le marché en 2012 et son contrat a été résilié prématurément en 2014. Ce personnel ajoute qu'après le départ de Group of Companies, certains décrets ont été transgressés. Le capital social a été réduit de 10,27 milliards à 1 milliard de francs bou, ajoute-t-il. Bonaventure Sinzo Bakwira, le représentant légal de GPSB, rejette toutes ces allégations et les qualifie de propos diffamatoires. Quant au remplacement de Group of Companies par Secomib, une société qui n'avait pas concouru, il ajoute que les activités ne pouvaient pas être paralysé par le départ d'un actionnaire. Bonaventure Sinzo Bakwira ajoute que la société GPSB compte porter plainte contre ce personnel de l'AMPF. Rappelons que ce personnel vient de passer 2 mois sans percevoir leur salaire et qu'ils ont déjà adressé une correspondance au deuxième vice-président de la République en avril dernier, lui demandant d'aider pour trouver la solution à ce qu'ils ont appelé pillage au port de Bujumbura et il souligne que 350 millions de francs bou sont détournés chaque mois par la société GPSB. Merci Placide. Pénurie d'essence de nouveau signalée dans la ville de Rumonge et dans ses environs depuis ce mercredi. Aucune station d'essence n'en dispose, ce qui a occasionné la hausse du ticket de transport. Même au marché noir, où le litre d'essence s'achète à 3000 francs burundais, ce produit est presque introuvable. Jean-Pierre Misako. Sur 6 stations-service de la ville de Rumonge et de Karonda, aucune d'elles ne dispose de l'essence depuis l'après-midi de ce mercredi. Les véhicules de transport se sont ensuite raréfiés à tel point que les passagers ont renoué avec leur pratique de passer par les vitres ou par derrière des véhicules IAS, une pratique de la rentrée scolaire. Ils parviennent à en trouver, comme on l'a observé au parking des véhicules faisant la liaison Rumonge-Bujumbura ce mercredi soir. De Rumonge à Bururi, le ticket de transport a été revu à la hausse jusqu'à 500 francs burundais et de Rumonge à Bujumbura jusqu'à 1000 francs burundais sur tous les après-midi. La situation est identique sur l'axe Rumonge-Nyanzalake-Makamba. Les chauffeurs expliquent que l'essence fait cruellement défaut, même au marché noir où le litre s'achète déjà à 3000 francs burundais. Du côté des passagers, interrogés, disent qu'ils se sont résignés pour ne fût-ce qu'arriver à destination, alors que les passagers demande à l'État burundais d'arrêter des mesures allant dans le sens de renormaliser la situation. Les pompistes qui ont accepté de s'exprimer disent qu'ils servent l'essence disponible. D'un autre côté, un propriétaire d'une station-service place à l'actif de cette pénurie d'essence le manque de dollars. Ce manque d'essence est aussi rapporté au chef-lieu de la province de Bururi où une seule station était encore en service. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Et sur cette station de la ville de Gitega, trois seulement avaient l'essence le matin de ce jeudi. Les propriétaires des stations font savoir qu'il ne s'agit pas de pénurie ou d'une probable hausse de son prix qui serait en cours, mais plutôt que cela dépend du temps qu'ils mettent sur les files d'attente quand ils vont se ravitailler au parc pétrolier de Gitega. Ils indiquent que cela est dû au fait que les camions qui importent le produit, ce produit sont nombreux et qu'ils sont obligés d'attendre le déchargement qui peut prendre trois jours. Une autre cause de ce retard est le temps que ces camionneurs utilisent pour payer les taxes à l'OBR, l'Office burundais des recettes. Sachez aussi que le carburant type essence est le plus consommé. Économie toujours avec cet accord de partenariat entre le gouvernement du Burundi et la banque ZEP, la zone d'échange préférentielle, qui vient de se conclure ce jeudi. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale a prononcé dans son discours que la banque ZEP va entièrement venir et s'installer au Burundi, même si elle ne travaille pas de la même manière que les autres banques qui sont au Burundi. Alain Aimé Nyamitwe a montré encore une fois que la présence de cette banque sur le territoire burundais est une preuve que les institutions et organisations internationales pourront exercer leurs activités au Burundi. Cette banque n'avait pas encore ouvert ses portes à cause de la situation sécuritaire. On termine ce journal en parlant des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Manda dans la province de Bubanza qui ont eu un impact négatif sur la forêt de la Kibira, comme l'a indiqué le ministre de l'Environnement. Il souligne cependant que son équipe compte rencontrer les partenaires concernés par les travaux de construction de ce barrage afin de trouver des solutions aux problèmes posés. À part le ministère de l'Environnement, des particuliers dont les champs ont été détruits suite à ces travaux réclament une indemnisation. Évariste Zikobanyanga. À part la vallée dans laquelle est en train d'être construit le barrage hydroélectrique de Manda, des arbres ont été coupés sur une étendue de 2 hectares. Nous sommes à l'intérieur de la Kivira. C'est là où l'entreprise qui construit le barrage de Manda va tirer de l'argile qui sera utilisée dans la construction du dit barrage. Le ministre de l'Environnement s'insurge contre la coupe des arbres. Emmanuel Nyonguru est réjoui par le fait qu'après les travaux, cet endroit sera aménagé. Dans le cadre de la vérification de l'impact environnemental que peut causer l'aménagement de ce barrage électrique dans la Kibira. La Kibira qui est sous la gestion du ministère, sous notre responsabilité. Vous avez vu l'endroit où on extrait l'argile, c'est un endroit où on a coupé beaucoup d'arbres. Mais ce qui nous a un peu réjouis, c'est que les responsables du projet ont pris l'initiative de planter 150 hectares. Mais aussi tout le long du parcours, nous avons vu que le projet a un impact négatif sur l'environnement. C'est pourquoi nous avons pris une décision avec notre collègue du ministère de l'Énergie et des Mines que nos experts vont s'asseoir ensemble pour voir les solutions qu'on pourrait trouver pour que l'environnement ne continue pas à être dégradé. Ce ministre se dit satisfait par le fait qu'une fois l'énergie électrique sera satisfaisante, la coupe des arbres dans les réserves naturelles va diminuer. Ce projet nous paraît intéressant parce qu'il viendra réduire l'utilisation du bois comme énergie. Une fois que l'électricité sera produite, l'utilisation du bois comme énergie sera un peu réduite, ce qui cadre bien avec le cadre de la convention que nous avons signée avec nos partenaires étrangers dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Amanda. Les travaux de construction du barrage a touché également des propriétés de la population. Certains parmi eux réclament toujours des indemnisations. Jean de Dieu Nyabenda, résident de la colline Ruvdimzia, fait partie des victimes. On a dévié la rivière Manda dans ma propriété. On est allé voir le curé de la paroisse pour lui soumettre notre doléance. Nous lui avons demandé de nous enregistrer parmi ceux qui réclament l'indemnisation. Ce dernier nous a répondu qu'il allait soumettre ça au ministre. J'ai rencontré aujourd'hui le ministre de l'Énergie et m'a promis que ceux qui sont chargés d'enregistrer les victimes de ces travaux vont me régulariser. Le ministre de l'Énergie et des Mines tranquillise, comme Manila Kiza, qui s'était rendu sur terrain lundi dernier, a promis que l'endroit touché par les travaux de construction de cette source énergétique sera aménagé. Il confirme également que même ceux-là qui réclament des indemnisations seront régularisés. Merci Évariste Nziko Banyanga. Pour terminer ce journal, je rappelle que les deux corps découverts dans la Mubarazi en ont été retirés par une équipe mixte composée de journalistes d'Iwachu, des agents de la police de Muramvya, de l'administration et de la Croix-Rouge. En effet, les recherches se concentrent depuis quelques jours pour retrouver le journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu et Info Grand Lac, qui est toujours introuvable depuis le 22 juillet dernier. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Yeah.